Quatrième fragment de la cour Barnave, B4. Première séquence, la cour sous la pluie. Deuxième séquence, vers la fin de la verse.